fait les poubelles à Sarcelles avec un vieux clodo qui refoule du boulot. Samedi je pose dans la barre à Marcel, il paraît qu'il m'a trouvé du boulot. Mercredi je vais jouer au chômage et je vais faire le feu dans un garage. Dimanche je fous des boulots ma zouz dans un bistrot à Noble Zouz. Aujourd'hui je passe ma journée au lit à me faire plein de guili guili. Demain faudra être des vitamines. J'admire le coucher de soleil à travers les grues au-dessus du trou des halles. Samedi, je vais voir maman m'accrêter, j'emmène à la décharge.